voici la clé des champs. Tiens, prends ton sac et va-t'en parcourir la campagne et la montagne. Marque ton pas sur les chemins. Tiens, je te la rends ta clé. Tiens, ta chère liberté, elle n'est plus à personne. Je te la donne et je n'attends rien en retour. Si toute ma vie c'est un homme qui rêve, qu'aurais-je à perdre si on me l'enlève? Je ne sens ni ne vois ce que ça changera qu'il soit absent auprès de moi. Tu te porteras mieux dans la nature, dans les intempéries et la verdure. Le confort et les soins, tu n'en as pas besoin. Va bon vent, puisque je ne sers à rien. Pourquoi perdrais-je mon temps, mes jours, mes meilleurs moments à me couper en quatre et à abattre tout un labeur pour un ingrat? Non, les murs de ta maison ne sont pas une prison, ton clos pénitentiaire n'est que chimère et je n'en suis pas le gardien. Si toute ma vie c'est un homme qui rêve, qu'aurais-je à perdre si on me l'enlève? Ne sont jamais ici où tu sembles mourir d'ennui. Tu te porteras mieux si tu gambades. Tu n'arboreras plus cet air maussade de prisonnier martyr occupé à subir un devoir engendré par ses délires. Tiens, voici la clé des champs. Tiens, emporte en même temps quelques affaires utiles, des ustensiles, un encas pour contrer ta faim. Tiens, mets avec tes affaires la clé que j'ai fait refaire, celle de ta demeure et de mon cœur, avec mon amour en cadeau. Si toute ma vie c'est un homme qui rêve, qu'aurais-je à perdre si on me l'enlève? Tes pensées, ton esprit ne sont jamais ici où tu sembles